Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Que je varie mes fins d'introduction, c'est que j'ai fait des ouh, des ah, il va me manquer des Y. Ah, mais non, tu peux peut-être les garder intérieurement, ceux-là. Ah ouais, non. Ça ouais. Serait cute, hein? Ben, concept, mais de là à dire cute, je sais pas. Ou différence onomatopée, tu sais. Bam! Oui, ok, avec les onomatopées. Les onomatopées. Onomatopées! Onomatopées! Bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 25 novembre 2012. J'ai commencé en disant doux parce que c'est 12 novembre, évidemment. Mais oui. 19, 12 novembre. Ben bon. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra. Ça a pris combien de temps avant qu'on dise nos noms? Une minute et demie. De remplissage de temps. Hein? Donc, on est ensemble pour 3 heures et dans l'émission d'aujourd'hui, on devrait avoir la présence de notre amie Justine Renaud. Ça fait un bon moment qu'on l'a pas vue. Oui. Elle a, je pense, vécu une belle fin d'été la dernière fois qu'on l'a vue. Mais non, on a justement hâte de la voir. Oui, ben c'est comme si on s'appelait plus Steaky, tu sais. Donc, Justine Renaud avec cette tartine de Justine, c'est la fin de l'émission. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Est-ce qu'on va avoir une édition prolongée comme la semaine dernière? Ben, elle est plus longue que d'habitude. Là, tu sais, je m'étais donné comme limite 4 minutes dans le temps. Là, tu sais, c'est littéralement impossible de faire rentrer ça en dedans de 4 minutes. Il y a trop de bons stocks. David Ferron est peut-être dedans. Je sais pas, je laisse la surprise. Hein, c'est vraiment. Moi, je guesserais pour un oui. Il y a au moins une affaire de David, ça peut pas être autrement, là, David Ferron. Mais bon. Donc, ce sera un instant classique. On va aussi faire la section ailleurs dans les palmarès dans l'émission d'aujourd'hui. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone Bad for Lashes avec All Your Gold. Et du côté francophone, c'était les 3 accords avec l'exercice. Mystère. On a pas mal de nouvelles entrées du côté anglophone. J'en compte 2, Crystal Castles et Ringo Death Star. Alors que du côté franco, il y en a 6. Oui, c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, on a Atomic Baobab, les Frères Goyette de l'Indice, Bernard Adamus, Madame Moustache et Chinatown. On débute en 20e place tout à l'heure, Ringo Death Star avec la pièce Rip en 20e anglophone. Mais tout d'abord, on va aller commencer ça avec Atomic Baobab et l'atterrissage. Vouh! Ça, c'est comme un... Quand t'atterris, tu fais... Mais ça, c'est pas un atterrissage, c'est un décollage. J'avoue. Mais quand t'arrives, tu peux aussi faire vous vers le bas. T'sais. Ouais. T'es comme vous pour t'envoler, puis vous vers le bas. OK, ça va faire. Notre palmarès, c'est fou. Pour 3 heures de tout ça. T'sais. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je sais pas. enfant star dans Home Alone, dans ce club mad. Et fixe de tous ces culs, et chips dans mon écran, pas de clope, j'suis tout nu. J'regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air, plus d'en dehors. Numéro 20. Nouvelle entrée. Brûle ça m'offre mon sabotage. Les grosses chaudières de chlore contiennent ce qu'il faut de courage. Je coupe les racines d'un mirage. Dans la nuit, évite les pièges à ours, les fusils. Coupe l'herbe sous pied du entrée. Long bloc de quatre de nouvelles de nos nouvelles entrées. C'est ça que je voulais dire. C'était beau dans ma tête d'entrer en onde. C'était beau dans ma tête, là. Je me disais, je vais faire une belle phrase, je vais impressionner tout le monde. Mais... Échec comme toujours. Quand on se donne des buts qu'on les fait pas. Et voilà. Plague de Crystal Castles qui vient de terminer ça en 19e place. C'est la dernière nouvelle entrée du côté anglophone. Et du côté francophone, on a entendu juste avant les frères Goyette avec Tabac d'orchestre au bout numéro 19 francophone. Goyette Brothers! Goyette Brothers! Avant ça, en 20e anglo, c'était Ringo Death Star avec le nouvel extrait Rip. C'est le premier de leur album Mord. Et on a débuté ce bloc de nouvelles entrées avec Atomic Baobab avec l'atterrissage numéro 20 francophone. Mm-hmm. Il reste encore plusieurs nouvelles entrées. On va commencer par un bloc 3 quarts, étant donné que la 17e place est stable et est occupée par Biobazar. Malheureusement, 8 semaines pour lui, donc on doit la sauter pour ne jouer que les nouvelles entrées en début d'émission. Plus tard, on jouera The Gaslight Anthem et Block Party, mais on débute en 18e, franco. Avec l'indice et faire du bruit. Faire du bruit, non? Faire du bruit. Ça sonne un petit peu osé, ça. Ouh là là! Je sais pas si c'est ce que ça veut dire. On va voir. D'ailleurs, le groupe l'indice que je ne connais pas. On va découvrir, non? Ben, c'est pas mauvais, vraiment pas. Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça commence mal, hein? C'est une belle critique. C'est ouais. Ça. Ça fait pas l'unanimité en ce moment dans les animateurs de C'est fou. Je dirais, les gens, les avis sont partagés ou portagés. C'est comme un potage. Comme les portageux. Les portageux? Ouais, c'est un groupe traditionnel québécois. C'est bon comme nom. Est-ce que ça a rapport avec les potages, par contre? Pas les potages. Les portageux. Les portageux. Bon, d'accord. Moi, j'ai faim. Bon, je veux de la soupe. Allez, on va aller écouter l'indice. C'est faire du bruit. C'est pas mal assez. 6-7. Nouvelle entrée. Par The Gaslight Anthem, position numéro 17. Ça descend de la 8e place. Je ne serais même pas de compter ça. Et juste avant, on a entendu Block Party avec Octopus au numéro 18 anglophone. Mm-hmm. Et puis, on a débuté avec l'indice et Faire du bruit en 18e franco, nouvelle entrée. On a sauté par-dessus la 17 franco qui est stable. 8e semaine de présence pour Biobazar avec Skyfish. Lui, là, il s'incruste comme un poisson. C'est crustré. Déjà, les jeux de mots, mais déjà? Là, regarde-toi du jus. Incroyable. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur... on disait que l'indice ne faisait pas l'unanimité. Oui. Moi, j'approuve. Moi aussi, j'approuve. Moi, j'aime vraiment ça. Je suis du côté qui apprécie ça, mais il y a un autre côté assez fou de gens qui n'aiment pas vraiment l'indice. Chacun ses goûts en même temps. Là. Ben oui. Que ces fois, il y a des goûts différents. Là. Ouais, c'est une radio d'extrême. D'extrême et de goûts différents. T'sais, on passe pas juste tous les gagnants d'une certaine émission. Mais exactement, exactement. Non, mais on est tellement variés, tellement aux extrême qu'on a littéralement le samedi matin une émission de musique classique et le mardi soir du gros métal qui vraiment brasse. Nous autres, les extrêmes, ça nous anime. Oh! Oh! Oh! Oh! Wow! Nouveau slogan! C'est écœurant, ça. Nous, les extrêmes, ça nous anime. Comme animateur, j'adore ça. Ben, c'est ça. J'adore ça. Je voudrais un copyright, si vous voulez. À la fin de chaque annonce, ça va être copyright avec Sandra Canadien. 2012. Oui, 2012. il nous reste encore quelques nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on va sauter par-dessus trois pièces de trois groupes anglophones. Et c'est très, très malheureux parce qu'il y a des bonnes choses là-dedans. En 16e place, on saute par-dessus Bit by Bit de Mother Mother, qui monte de trois places, qui est là depuis seulement la semaine passée. On va passer aussi par-dessus Anna George, c'est Robotique, qui est au numéro 15 et qui est là depuis 7 semaines. C'était au numéro 4, je pense. Par oui, c'est vrai, il était au numéro 4. Et on sort aussi par-dessus la 14e, qui est la formation locale East Roll, et October Roll, qui descend de 12 places, qui est là depuis 4 semaines. Je vais rien promettre, là. Je pense pas qu'on ait le temps d'ici la fin de l'émission pour revenir en arrière. Peut-être. Moi, j'aimerais ça. Donc, on va y aller du côté franco complètement pour trois dernières nouvelles entrées de cette semaine. Chinatown et Madame Moustache plus tard, mais avant ça, la 15e, 16e franco. Tiens. Avec Bernard Adamus, c'est Entre ici puis chez nous, 16e franco. Oh! Est-ce que tu penses que ça veut dire genre entre ici et chez nous? Non. Je pense que c'est entre une distance. Ouais, moi je dis ça. Je te fais confiance là-dessus. En même temps, il entre où il veut, c'est Bernard Adamus. Sauf qu'il faut qu'il se baisse la tête. Bon matin pour Québec, tout à la bain, jusqu'à temps qu'elle sorte 138, on pogne un flat, c'est pas la vin. Un John Duran à droite, puis l'horizon dans un coin. Garde-moi l'indien qui fourre le chien, qui pompe, il sac à deux mains. Oh ben, gadon, y'a pris le space, c'est le meilleur port, on est bon. Lutin, il voudrait bien, mais il est comme moi, il connaît rien. À part la muse et Doritos, puis son petit penche à boule vin. On s'en va dans notre belle capitale, y'a des fans de 30 puis de métal. Ils nous font rire, je veux juste le dire, je sais que dans le fond, c'est nous autres les pires. Joseph Coron, c'est un beau du coin les garçons. Ah ouais, on se pack pis on débarque, sans moi les clés du contact. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, bouffe tout de suite sans check après. Ou ben on rentre en dedans d'être le modèle, petite soif qui me pique, ça tout le monde. Que lulu, ça demande pas mieux. En port pat, notre été, ben lui chiole un peu. C'est parce qu'il drette comme un pape, il passe comme un chaleux. Soit là, j'ai pas fait attention, mon cœur poigné autour de rein. Quand me suis réveillé le lendemain matin, voyait partir la belle à nos mains. L'eau, on part la vanne, puis on saute. On prend la 175 nord, on vire à Jean-Pierre à soi. Et y'a pas vache qui belle, puis là c'est encore l'hiver. Mon olive, sa ville neuve qui nous chauffe notre enfer. Tout le monde est fripé ben dur, on s'y fait à l'usure. Ça parle de gear, puis de mauvaise fait. Check-moi le visage qui nous invite. Notre toutes nos visions, c'est bonne femme, nos propres raisons, faut votre charme. Anyways, les wipes of cette jazz, ça 175 nord. Puis avant de la reprendre vers le sud, je pense que la veillée va être un peu rude. En fait, de même, font pas exprès que le façon de dire la belle parlons du bon, c'est le français d'après tu. Moi, j'ai un petit fait pour la tourtière, ketchup, maison, pis la bonne bien, bon, ça me charme, les belles tourneux, pis les bonnes femmes ont ben l'allure. Et ah ouais, non, les longs, là, en bout de mais en blanc, c'est sport, c'est sur un live, pis en après-midi, ah ouais, malgré, c'est là, pis chaud, c'est ramené, qui sont beaux, smile, c'est gros nénés. Moi, j'étais chaud comme un poêle, pis elle molle comme un lac. Motel princesse, j'ai trouvé ça wack, mais j'ai du fun, l'autre bord du pack. T'es fini, on ouvre nos yeux, on bouffe des œufs, on est tous scrap. Il est temps qu'on parte 400 km à faire sa map. Que je donnerais ben tout le monde s'y change. Pour pas te surprendre, juste un peu de sens. Des fois, je me dis c'est beau, c'est correct. Pour un temps, m'en faire avec. Je fly au 5 à 7, voir la gang à Brissette. Les guys nous twist des petites épices, puis on profite de la Saint-Maurice. Je capote ben raide, je suis à moitié fou. Y'a pas question que je rentre chez nous. Soit là, j'ai pas fait attention. Au pouvoir, ils sont tout près de moi, puis je n'ai viré du sacrament que la belle Kenville l'autre soir. Tu veux tout, check il l'a allé, les soins de la roquée à casa. Ouais, donc tout, qu'est-ce qu'il y a peu à gueule dans le mic comme ça se peut. pas. J'ai de la bière comme une fontaine, puis elle fait des jokes à tour de bras. T'as beau donner tout ce que tu veux, prends pas toujours tout ce que tu veux. Chose qui est sûre dans là-dessus, on veut tout juste pas de vieux. Ça fait quand ici pis chez vous, les courses à cheval, les rentes de lait, le gros fan noir, les tops qui brûlent pis les lamins qui viennent après. Essaye de pas trop t'éloigner, même si c'est beau que la terre est ronde, stack la pédale, c'est qui ton monde, pose-toi question et une seconde. Regarde la vue, check le ciel, t'avance, la mort, t'appelle. Les pieds dans le vide, que c'est que ça donne, body, tout le monde, l'ami de personne. T'as beau smile à sacrament, j't'ai dit croiser une show de Jérémy Mourant. On dira ben ce qu'on voudra, ça m'amuse, me tromper de pas de boss, pas c'est bon, pis qu'on aime ça, pis des fois, ben, ça fera. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 15. Nouvelle entrée. Je pensais que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, Lafayette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. De laisser ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit Montréal, c'était une heure. Je rêvais des soins de Biloxi. Puis y'a même pas de Ralph Fishy Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le voir? Quand j'ai embarqué dans ta barouette, c'était pas direction Joliette. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine acclamée. Tu me ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêter de croire en moi? Qui avait tout misé sur nous? Je vais te mettre en feu, t'es fait en bois. Y'a pas de roulette à mi-genoux. Mais dans ta tête, oui, ça pédale. Tu cherches des jolies issues de secours. Je vais me rendre au sud comme une cigale. Toi et Joliette, restez pour toujours. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le fun? Quand j'ai embarqué dans ta barouette, je pensais me sauver un petit peu de fret. Numéro 14. Nouvelle entrée. En quelques d'acharnement. J'étais sur ma descente, une lassitude immonde. J'aimerais bien trouver mon petit abri à moi. Toi tu serais ma lune, moi je serais ton cri de joie. Cassez-moi la tête, éreignez mon cœur, et les sangs se pètent, à bouffer mon nirvana. Cassez-moi la tête, éreignez mon cœur, et les sangs se pètent, à bouffer mon Chinatown et la pièce Cassez-moi la tête, nouvelle entrée en 14e place francophone. Et juste avant, on a entendu Madame Moustache. On a entendu Madame Moustache ben avant? Oui. Alors, on a entendu Madame Moustache avant avec Roméo et Joliette? Juliette, peut-être? Joliette. Roméo et Joliette? Sérieuse? Ben, c'est ça qui est marqué peut-être, sur attends, le... Attends, je vais regarder sur... Ben, t'as bien raison. Ah ben, j'ai bien raison. Parce que des fois, les erreurs, ça arrive. C'est Joliette, comme la ville, là. C'est donc bien cute, tout ça. Et on a débuté le bloc avec Bernard Demussé. Entre ici, puis chez nous. Ben oui. Et c'est ça, c'est sur l'album numéro 2. OK, oui. Mm-hmm. Très bel album. Tout à l'heure, on aura en 13e place Colin Moore et Damien Robitaille. OK, oui. Eh, ça, c'est donc bien le mix parfait. c'est le mix poil. Ben, tu sais, le Harry mix. Ben non, c'est le mix. Ben je pourrais bien dire viril, mais. Oui, ben tout à fait. C'est un autre type de. Tu sais, Damien Robitaille a son style viril crooner, mm-hmm. puis Eastroad est juste comme. Eastroad. Colin Moore est juste viril dans la vie. Trop sexy. Il est trop sexy. trop sexy. Trop sexy. Oh yeah! C'est un beau bloc. Mais avant ça. Mais avant ça, c'est les moments les plus farfelus que vous avez jamais entendus. Voici un Super Size Edition d'un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 novembre 2012. Mais ça, c'est encore très subjectif. C'est égal de vieilles personnes qui portent beaucoup trop de parfum. Moi, ça me déplaît, eux autres qui adorent ça. Ça, ah non, ça, c'est atroce. Hein? Ouais, c'est vraiment atroce, c'est dégueulasse. Je le sens ça, des. Ça, c'est atroce. Et ça, on est d'accord. Oh, bon, au moins, on est d'accord sur une chose. Oui, ouais, on pourrait d'inviter une fois à studio. Une vieille personne qui pue de parfum? Ouais. N'importe quand. N'importe quand. Tu connais mes fantasmes. Gmail. Oh. oh. On dit que le repas le plus important de la journée est le. Déjeuner. L'assemblage requis. Ah, ben aussi, mais on peut déjeuner avec assemblage requis. Oh! Oh. Hey! Hein? Oh! Mmh. Hein? Oh. Hey! Ah. Ça, il y a eu un chat assez plate. Vous venez d'entendre Maxime Tanguay. Oui. Et qui va nous présenter sa chronique comme si il me. Vas-y, François, une idée. Mais, ouais, j'ai comme une idée un peu saugrenue, okay. peut-être ce matin. Okay. Un bébé qui pleure. hey, c'est quoi ce band-là? Là? Abordons ce sujet, disons, glissant. Ben oui, puis justement, il y a une drill qui part en même temps. Qu'on commence à parfait la timing. C'est pas une drill. oh, c'est mal parti. hey, ça va déjà loin, ça. Ah, il fait déjà chaud, là. Comme une drill, ça va très loin dans le temps. Ben oui. Je vous ai choisi un extrait musical de Mother Mother. On écoute bit by bit ou traduit en français bit par bit. Je me trouve bien drôle. À 16h, melon miel et chou de Bruxelles. Et puis à 19h, ce sera réanimation. Avec du métal et de l'horreur. À demain, Mathieu. T'es beau. Merci. Pardon, la pièce. Ah, voilà. Toi aussi, t'es pas l'air. C'était comme. Ouh, j'ai chaud là. In your eyes. C'était meilleur dans la chanson, ça. Et tu dis que je suis pas un bon chanteur. C'est incroyable. Voilà pour la bloc, tu manges mon cœur. Tu manges mon cœur. Au retour, la chronique d'Algélie Durocher, l'index. Toi aussi, côté chanteur. Une jeune femme qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Ouais. Avec son doigt. c'est mal à l'aise, hein? Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez pas que mon nom, c'est vraiment Éric Paul Parent. Tu sais, je suis rentré, mais je pourrais m'appeler autre chose. Je pourrais être quelqu'un d'autre qui fait semblant d'eux. Là, t'aurais pas fait ça? Non. Peut-être, mais c'est peut-être. On l'a dit au début de l'émission, c'est peut-être Éric l'enfant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est il a viré à l'envers, Paul Parent. Et voilà. Je suis Paul Parent. Pas pire. J'ai écouté ça avec mon père. Ah, cool. Aussi. Ouais. Ben pas avec mon père, pas avec ton père, ça. Mais j'ai écouté ça avec mon père. Non, j'écoutais pas ça avec ton père, mais j'ai écouté T'es Pirates. On est en direct des studios C'est Fou à Trois-Rivières, oh oui. Oh oui, ce matin, on est en direct. En direct, et dans les studios de quelle station déjà? Je sais pas, écoute... C'est fou, c'est vous. C'est mou. C'est mou. C'est mou. C'est fou. Non, c'est mou, j'aime ça. C'est mou. Ça, c'est mou ce matin. C'est mou 89 FM. C'est mou ce matin. C'est mou 89 FM. Dans vos oreilles. C'est mou dans vos oreilles, ça va bizarre. C'est des... Ouais. Du semi. C'est peut-être pas gagné. Pompe-moi pas de suite, là. Là, la semaine passée, il se craquait, là, il se pompe. C'est des images que je veux tellement pas avoir. La semaine prochaine, ça va être quoi? On va se siphonner. Il y a juste ça de même. Bon, oui, oui. Fait chaud, là. Budget Marceau, il est Marceau-Sau. Ça, c'est bon. Ah, ça, il est très bon, celui-là. Merci. Au moins un gros 8. Merci. Un gros, gros 8. Je le prends. Un caractère gras, là. Okay. 8 bondes. Oh, Ariel 8 bondes. La CAQ de François Legault l'a rejeté, le budget, avant même de l'avoir lu. Ils ont dit quoi? Ils ont dit... Non, Marceau. Non, merci. 8.5. Oh. Comment? 8.5? 8.5. Oh, ça monte. T'es bas, là. T'es bas. Disons qu'on a connu de meilleurs ministres des Finances. Moi, plus crédible. Moi, pour vos insultes, là... Attention, j'ai le mot. Moi, pour vos insultes, là, j'en ai marre, sauf je m'en vais. J'en ai marre, sauf je m'en vais. Eh, bon. 9? Non. Non. 8.7? 6? Pour être gentil, je te donnerais 8, mais... J'ai utilisé le mot au complet, c'est pas un des critères. Ouais, je sais, mais c'est 4, tu t'as... Quand tu la pratiques pendant la chronique, jusqu'à temps que t'aies la place pour la mettre. C'est ça, ouais, exact. Est-ce qu'on se rend à se toucher le doigt de même parce qu'il pointe le doigt? Oh, Sors donc ton autre enjeu. ça serait, c'est sûr. Ah, des blagues d'engins masculins, des mauvais jeux de mots qui se répètent tellement et comme on a compris des jeux de mots. Hein. Arrête. C'est ça. Mathieu Plante, arrête. Arrête, Mathieu Plante, mais tu sais que t'es pas capable d'arrêter. Non, c'est ça, pas capable d'arrêter. Faudrait une désintox de jeux de mots. Je peux pas y résister. C'est quoi ça? C'est le slogan de McDonald's, je pense. Je ne le sais pas. Sincèrement, je sais pas. Non, mais c'est correct. J'ai pas le référent. Trop jeune. Lolo. C'est facile pour moi de dire, t'es trop jeune. Hein? Je suis rendu vieux. Trop jeune pour co-animer? Non, je suis correct, juste légal. Je pense avec approbation l'ange légal maternelle. Pour la co-animation. Et voilà. 23 ans. Oh, vous devez atteindre cette barre. Ah non, pas un autre jeu de mots de pénis. Ok, ça va faire. Non? Je l'ai même pas. Non, je sais. Je sais, mais moi, je vais tout le temps là. Mais c'est l'assemblage requis, c'est l'environnement d'assemblage requis qui provoque ces jeux de mots de. Tu sais? De trépied. Assemblage requis. Assemblage requis, c'est ça. Assemblage requiki. Requiki. Oh, tu vois, requiki. Oh, tu vois. Écoutez-moi, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. C'est rempli de tout ça et encore moins. Ben oui, mais en fait, encore plus de bonnes chroniques. Mais moins de qualité. Ouais, non, mais les chroniques sont de qualité, mais les blagues sont. Ah oui, ça c'est ça. Bon, c'est stable. Babibibobibigrec, là, tu sais. C'est ça. On va retourner à notre palmarès, notre célèbre beau petit palmarès. Célèbre. Il est fin, il est beau. Donc, on va entendre du côté anglophone en 13e position, Colin Moore et Long Road qui descendent de la 5e place. Mais tout d'abord, on va aller écouter le charmant Damien Robitaille avec Omniprésent, qui est au numéro 13 francophone, qui fait une belle descente de 1, puisqu'il était au numéro 12 la semaine dernière. Ça fait mal, ça, une position vers là-bas. Oups, c'est comme, il s'est juste enfargé dans son lacet. C'est ça. Bloup, bloup. Damien Robitaille. C'est mon effet sonore pour tout, hein, ça. C'est un poisson, c'est un gars qui s'en parle. C'est bon. Ouais. Surtout un poisson. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la parfaitement éparpillé. much better when I take the long, long road. 'Cause I can't bear to miss a thing. I take the long, long road. Just wish I could have brought some of my friends. Just feels much better when I take the long, long road. 'Cause I can't bear to miss a thing. I take the long, long road. Just wish I could have brought some of my friends. C'était Colin Moore avec Long Road au numéro 13 anglophone. Il a fait une petite descente puisqu'il était au numéro 5 la semaine passée, mais on l'aime pareil. Oui, toujours plus, toujours plus. Oh oui. Avoir entendu Damien Robitaille et Omniprésent qui descend d'une place cette sixième semaine de présence sur l'album. En fait, du même nom, Omniprésent. Omniprésent, Omniprésent. Yep. Moi, c'est mon coup de cœur de bloc. Mon bloc coup de cœur. Ton coup de cœur de bloc, coup de cœur de bloc. Ouais. Coup de cœur. Restez là tout à l'heure. Keith Kuna, Hunter Valentine et Diamond Rings. Au palmarès, c'est fou. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh là là. Oh. Oh. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. C'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandre Carignan. Et c'est l'émission de la semaine du 19 au 25 novembre 2012. Tu vois comment j'ai mis nos noms avant la semaine, comme je change avant tout. Avant la semaine. Fouink. Tout est pensé. Plonk. Tout est pensé. Chefwin. Chefwin. Je vais avoir des nouveaux onomatopées. Chefwin. On parlait de ça en début de première heure pour ceux qui étaient là. Là. Félicitations d'endurer tout ça pendant 3 heures. Ouais, quand même, hein. Ouais, mais c'est des référents. C'est comme des récompenses pour tout de suite. Ah oui. Est-ce qu'on passe à autre chose? On passe à autre chose. Alors, on est rendu aux positions numéro 12 et 11. On va sauter malheureusement. Snif, snif, par-dessus Lisa oui. Leblanc. Totalement. T'es tellement triste. Et pas absurde de se faire sauter par-dessus. En tout cas, de la façon qu'elle se plaint dans ses chansons. Ah! Moi, j'ai pas de chum. J'ai pas de... Ah! Ah! Là, là. Saute mouton, là. Évidemment, on parle de saute mouton. Ah! Non! Je parle pas de sauter des moutons, là, je parle littéralement fâché, de... Là, je suis présente la prochaine. Et Colin, que t'es facile. Maudite prude, toi. Hein? On va entendre, par contre, Hunter Valentine et Diamond Rings. On va débuter en 12e place francophone. En 12e place avec Kid Kuna et pas de panique. Numéro 2. Ben, je vais te donner du crève, des nerfs. J'ouvre le frigo et puis je tombe dans le vide entre un vieux spaghetti au pesto et un oignon qui agonise. Je bats des ailes et je m'ennuie. Je ne vends pas de disques, m'imagine une autre vie pleine de succès et de fric. On me voit partout, je fais tous les plateaux de télévision. Je fais le beau devant les radios et je chante pour les cons. Tout ça me mène jusqu'à la disque et le vote du public. Je monte sur la scène hystérique et j'embrasse mon Félix. Je remercie père et mère et tous les Québécois en ajoutant que je suis fier parce que je fais mon rock à moi. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent, indie, trendy, hipster, preppy. Je me fais musique et baise. J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès et aux jambes des filles. Mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans qui se disent que je serais un bon fils, un bon gendre ou un bon amant. En tournée, j'exige dans ma loge des craquelins et des fromages fins, un Bordeaux et quelques Bourgognes, un PlayStation et des coussins. Et avec le band, on parle des bitches. On se fait des tracks à l'hôtel, je cause allègrement de Nietzsche, ça dépuis de Machiavel. C'est tripatif, je suis très rock, mais j'ai de la cervelle. Je me déplace en van, puis je dis fuck au système en touchant ma paye. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent, et pas de panique, je vais payer tout ça bientôt et je donnerai du titre. Un peu moyenne, il faut que je me démène pour ne pas devenir un has-been pis vendre mon condo sur la main. Je fais des peurs de cellulaire, de bagnole ou de bière entre deux tours, mes promotions pis toutes mes collaborations. Je me positionne contre la guerre. contre le pire des fléaux, le téléchargement illégaux. Sinon je fais une sortie publique, un petit scandale quand les radios vous donnent à chez tout qu'on boucle pas d'un festival. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent, et pas de panique, il reste encore un kilo de champignons magiques. Numéro 12. We'll be right back. numéro 11. You said we keep this back forever. Light wave laying your curse from the start. You had your hands inside my pockets. C'était quoi, ça? C'était Hunter Valentine avec Liar Liar au numéro 11 anglophone qui a fait une belle hausse puisqu'il est au numéro 18 la semaine passée. Donc, 7 positions de haut. Il y a quelqu'un qui suit plus que moi. Alors, on a entendu Diamond Rings avec I'm Just Me qui descend de 2 places en 12e position anglophone. Mais on a commencé tout ça avec Kid Kuna et Pas de panique. Mm-hmm. Et on a sauté par-dessus Lisa Leblanc avec Kraft Dinner et son histoire... sur l'histoire de moutons nourris aux pâtes fromagées. C'est descendu une place, voilà. Maintenant, on va y aller avec un prochain bloc, 3/4, lui aussi, comme on vient de faire. Donc, un bloc où on joue 3 pièces sur 4. On va sauter par-dessus Ariane Moffat avec Hôtel Amour en 10e place francophone pour aller directement en anglo. On va aller en anglo avec The Wallflower et Hospital for Sinners. Ah, tu, c'était ça ta face hein, de tu me fais prononcer l'anglophone? Ouais, c'est ça. J'avais pas compris du tout. C'était cette face-là. C'est une belle flasque. Espèce d'alcoolique, t'as une belle flasque. Je suis pas bonne pour faire des saouls. T'es bien fin, toi, je t'aime. En fait, moi, quand je saoule, je ris. Fait que, tu sais, quand je fais une saoule, mettons, en improvisation, ben, je ris. Tu giggles. Giggle. Je suis comme un gros monstre d'attention. Ah, c'est cool. Fait qu'on écoute ça? Bon, on va aller écouter ça. Oh, palmarès, c'est fou, blablabla. Tu vois, je ressors mon effet sonore, blablabla, blub, c'est quelqu'un dessous. Ah, blub, tu pourrais le ranger. Il commence à te déranger. Allez, tout au palmarès, c'est fou! Yahoo! Yay! Some have crosses, bells that ring. Most have angels painted with wings. Old men and blind ones can find their way in. Got statues, apostles, and other gods. sinners and no museum of saints. Sinners and no museum of saints. It's a hospital for sinners and no museum of saints. Numéro 10. Numéro 9. Run with the Kittens, tu vois, ça c'était mon chant. Avec Weight of the World, position numéro 9, ça monte donc de 11 places par rapport à la semaine passée, alors que c'était une nouvelle entrée. Et juste avant, on a entendu Trembler avec Marie Plastique, qui n'est pas une nouvelle entrée, mais qu'on aime donc bien ça, écoutez! Oh, Colin! Avant ça, en 10e place, on a entendu The Wallflowers et Hospital for Sinners, qui descendent de 4 places, 5e semaine de présence. C'est ça? Puis avant ça, on a sauté par-dessus Chose, là, Ariane Moffat. Ouais, Chose. Chose, excuse-moi. Ariane Moffat, désolé, Madame Moffat. Voilà. Madame Moffat. Maintenant, on y va avec... Il y a tellement d'affaires écrites sur ma feuille, j'ai tout... C'est quoi ça, ce symbole-là? Est-ce que tu comprends quelque chose, cette feuille-là? Toi, il n'y a absolument rien à comprendre. Rien à comprendre. Moi, je comprends rien, cette feuille. Moi, je regarde la mienne, elle est bien simple. Tu fais bien, tu fais bien. On est rendu au 8e place. Enfin, on va faire un autre bloc 3 quarts. On va sauter par-dessus la descente du coude en 7e avec Instinct Domestique. Par contre, on va entendre plus tard Stars et The Vaccines. On va commencer en 8e place francophone. Avec Danny Placard et Dis-moi au numéro 8. Au palmarès, c'est fou. Oh yeah! Crazy Countdown. Assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 10. Could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young and bored and 24, find it in the charm of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24, and trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, but there's desperately no hope, but there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah. There is no hope, and there's desperately no hope. Courage is alive. Living isn't hardwired. I see it in your eyes. Stars et Backlines, ça monte de la 16e place maintenant en 7e position. C'est donc ben bon, hein? On a passé par-dessus Instinct domestique de La descente du coude et on écoutait avant ça Danny Placard avec 10 mois qui était au numéro 8. Au numéro 8, ça a descendu de 2? Oui, ça a descendu de 2 et ça l'a depuis 3 semaines. On s'est entendu au tout début. Non, en fait, quelque part là-dedans. The Vaccines avec No Hope qui monte là-dedans. La 7e. Ben, je pense que c'était comme au milieu, en fait. Ça se peut, c'est peut-être moi qui ça s'est mélangé. C'est pas grave du tout. Ça s'est mélangé. Justine Renaud vient d'arriver. Oh, bonjour. Vous allez bien? Vous aussi, vous? Oui. Madame Renaud, je vous reconnais à peine. Qui êtes-vous? Oui, je suis désolée de mon absence, de mes absences répétées. Ça se reproduira plus jusqu'à la prochaine fois. C'est ça, exactement. Au prochain oubli, chose comme ça. Ben, c'est ça. Si on veut. Écoute, j'oublie quasiment de me nourrir, là, puis de faire les besoins de base. Là, j'oublie. Changer ta litière. Tu sais, la pyramide de... Comment qu'il l'appelle, le monsieur là, qui a inventé une pyramide qui a les besoins de base? Là. Ahmed, quelque chose? Laszlo? Ah, Laszlo. Ben, Laszlo. Hey, la pyramide de Laszlo, là... Oublie ça, la mienne est à l'envers. Non, mais tu sais, si vous savez de quoi que je parle, là, c'est faire. Ça donne drôle que non, pas tout, hein? C'est ah, là, l'affaire, là, qu'il faut que tu aies des vêtements, faut que tu te nourrisses, faut que tu dormes, faut que tu aies du sexe, quelque chose du genre, là. Ah oui, pas vrai. Mais moi, ma pyramide, c'est à l'envers. C'est comme, c'est beaucoup plus important d'écrire sur Facebook puis de jouer au Scrabble. Mais c'est vraiment plus important aussi. Mais pour vrai. Ah, c'est Maslow. Maslow. Hey, en direct, j'ai le commentaire en direct de ma copine Sarah que je salue. Bonjour. C'est elle qui m'a parlé de la pyramide puis qui a dit que ma pyramide à moi est. T'es pas dans le bon sens. Et pas dans le bon sens, ma pyramide. Et donc, c'est Maslow et non pas Laszlo, alors que notre public en studio disait. Non, c'est Maslow. Maslow. C'est moi qui ai un problème d'ouïe. On a mal entendu. Parce que là, tu sais, faut clarifier le fait que vraiment mon palmarès est maintenant complet. Parce que moi aussi, c'est comme une pyramide avec moi d'un bord. Trois filles de l'autre, une qui parle pas, deux qui parlent. C'est comme palmarès. Palmarès. Mais j'ai jamais, c'est pas moi qui ai le terme, il ne vient pas de moi. Ça vient de qui? Je me rappelle pas. C'est correct. C'est pas de toi? Non. Palmarès. Le palmarès? Comment? Non. T'as pas moi, tu comprends. Palmarès, c'est un harem de palmarès. Ah, OK. C'est pas meilleur une fois que t'as pensé, que tu réfléchis, tu fais comme wow, c'est vraiment clever. Non? Clever. Je trouve ça super. Clever. Je trouve que ça sonne excellemment bien. Un nouvel adjectif. Un adverbe. Oui, je le sais, je me suis surpris, gars. Commence pas, là. Hein? À me corriger, hein? Ceux qui sont pas en studio, là, vous entendez pas les bruits de vibration de tous les téléphones. C'est assez violent. Ça a vraiment, vraiment vibré, hein? C'était vraiment beau. Attends un peu, est-ce que je peux répéter ça? 4.6 sur l'échelle de Richter. Comment est-ce qu'on peut faire vibrer ça? Je sais pas, dans tes palmarès. Son, SMS, vibration. Ah tiens, je pense que je vais pouvoir faire des vibrations dans le micro. Ouais. Subtil. Marche pas? On dirait une vis dans ton micro. Je pense que c'est la première fois que ça a été fait en onde, cette affaire-là. Sûrement, ça devait être pas mal bon, hein, comme moment. Écoute, je vais. Il y a peut-être une raison pourquoi ça n'a jamais été fait aussi. C'est ce qu'on appelle un palmoment. Non, là, j'invente des mots, hein. Ouais, c'est la palme d'or de toutes les. Oh! La palme d'or. Oh, on pourrait renommer le numéro 1 en tant que la palme d'or. Ça n'a jamais été fait, ça, la palme d'or? Ouais, des palmes en or, là. C'est comme on avait sorti l'idée l'autre fois de prendre les nouveautés qu'on n'aime pas dans le discothèque, tu sais. Les lancer dans le nouveau pavillon, tu sais, qui est construit. Ils ont comme fait un trou, tu sais. On jetterait ça là-dedans. On pourrait appeler ça, je sais pas, mettons, là, on pourrait après ça bâtir le pavillon à la vie étudiante par-dessus. Ça fait que ce serait bâti sur de la mauvaise musique. C'est ça, puis ce serait comme un genre de, mettons, le cimetière des CD, mettons, t'sais. Mais là, ça, c'est un copyright. Oui, c'est un petit peu copyright de rajotte. C'est ça la blague, là. C'est la blague. Mais c'est pas une blague, c'est un délit. Une blague de faire semblant que je connais pas, t'sais. C'est ça. Je l'ai essayé dans la vraie vie aussi, puis ça marchait pas non plus comme blague. Là, je l'ai répété en ondes. Tu grattes le front en ce moment. Tu grattes le coco. En fait, je suis en train de me gratter le bout qui manque de cheveux en ce moment. C'est comme je vais avoir de la calvitie par là. Ton 25 cents de calvitie. Là. C'est ça, ce que ça. Il n'en fait pas. Il est full chevelu. Là. Full chevelu. Full. Il cœur pas ceux qui n'ont pas de cheveux. Là. Merci, je suis. Est-ce qu'on passe à une musique quelconque? Je sais pas. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on perd encore plus de temps à dire des niaiseries? Écoute, moi, ça me dérange pas, mais moi, j'avais deux chansons à mettre dedans ma chronique. Fait que arrête de placoter, c'est ça? C'est ça. D'accord. On va être rendu au 6e place du côté anglophone Grizzly Bear avec Yelagan qui monte de 6. Oui, j'étais tellement dans la lune. mais tout d'abord, on va aller écouter Yann Perrault avec Acrobate de l'éternité. Merci. Siffle, Alexandra, siffle! Non, je suis pas bonne. Île de musique, naufragée chez toi. Je suis en état d'un péché démentiel depuis toi. J'ai la bête immortelle, t'es mon plus bel accident. Mon intempérie sexuelle, t'as mis le nez dans mon jeu. Je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. Numéro 6. Yet again, when train de fucker, toi! Grizzly Bear avec la pièce Yet Again qui monte de 6 places en 6e position anglophone. Et juste avant, on a entendu Yann Perrault avec Acrobate de l'éternité qui est au numéro 6 qui a fait une petite descente de 4 puisqu'il est au numéro 2 la semaine dernière. Mmh, tout à fait. Il reste encore de la place pour les 5e positions, mais avant ça, on va faire un petit tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Oh, c'est là, Alexandra, là. C'est là que ça se passe, les affaires. C'est ça l'affaire, tu sais, j'ai entendu, je pense que c'était au bulletin de nouvelles. Hier soir, tu sais, c'était tout à bien à l'heure, ces affaires-là. Puis là, il était là, puis il parlait de. Il parlait de. C'est fou, que c'est un top 20 francophone, un top 20 anglophone. J'étais comme, attends un peu, des informations TVA, par rapport. C'est TVA. Fait que, je vous confirme, moi, breaking news sur le terrain, je vous confirme que les palmarès, c'est fou, c'est plus que ça. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10. Wow! Incroyable, mais vrai. Tout ça. Donc, top 30 des albums, il y a une seule nouvelle entrée en 18e place, c'est Crystal Castles avec Three. Yam. Et le numéro, en fait, le top 5 des albums. Au numéro 5, on a Smoke and Jackal avec EP number 1. Yeah. Au numéro 4, c'est White Horse avec The Faith of the World Depends on 3 petits points. Discus. Yeah. Au numéro 3, on retrouve Bat for Lashes avec The Hunted Man. Au numéro 2, Me Trick avec Synthetica. Et au numéro 1, on a The Darkness avec Hot Cakes. Oui, Justine. Hey, mais oui, je faisais aller mes lashes, là, comme Bat for Lashes. Je voulais juste dire allô à ma mère qui aime Bat for Lashes. Bonjour, maman. Salut, bonjour, maman. Bonjour, la maman Justine. C'est quoi son nom déjà? Linda. Linda. Fait qu'on allô, va l'appeler Linda. Ben oui. Fait qu'on va l'appeler Linda. Linda. Bon. Et son chien Grippette. Ça? Non, son chat Serena. Ah, d'accord. qu'est-ce que j'ai tantôt? Ah oui, c'est ça. Côté audio, top 3 des disques canadiens. En troisième position, c'est Stars qui monte de la fictive position numéro 16 du top 3. Fictive. Au numéro 2, on a White Horse avec The Fate of the World Depends on This Kiss. Et en première place, c'est Metric qui monte de 6 avec Synthetica. Et voilà. Voilà. Maintenant, top 10 électronique, je vois qu'une seule position, c'est nouvelle position, c'est la numéro 3. C'est Bio Bazar avec Obam Contech. Et le top de numéro 2, c'est... On dirait que je laisse tout faire, Alexandra, aujourd'hui, c'est cruel. Job, New World March, New March World, the remix. Oui, c'est fait, exactement. Hey, tu manges tes mots, toi. Oh, il y a trop de mots. C'est n'importe quoi. Et première position, tiens, The Invisible, je te sauve, avec RISPA. Ça monte d'une place, c'est là depuis 18 semaines. Et en fait, le palmarès électronique, vous l'aurez remarqué depuis comme 6 mois, là, change pas vraiment. Là, mais, y a... ouais, mais c'est plutôt, c'est ça. S'il n'y a rien qui sort, il y a rien qui change. Pas mal sûr qu'il y a des choses qui sortent. Pas mal sûr. Pour ce qui est du top 10 loud, il y a plusieurs nouvelles entrées. Tiger of the Pan Tang avec Ambush, Enslave avec Ritu, numéro 9. L'autre, c'était numéro 10. Au numéro 7, on a Anal Natrain avec... Anal notre croûte. Mais c'est vraiment ça. Au numéro 6, on a Kaamelott avec Silver Thorn. Et le nouveau, en fait, on va y aller avec le top 3. Oui, c'est pas le numéro 1. Top 3, vas-y. Start aux pommes. Troisième position, c'est The Sword avec Aprocryphon qui descend d'une place. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Devin Townsend et Epic Cloud. Et en première place, nouvelle entrée, Soundgarden et King Animal. Et voilà. C'est beau, ça. C'est très beau. On a fait le tour. Comme voilà. la prophétie des maillets, Maya? Des maillets. Des maillets. Franchement. Non, mais c'est la première fois qu'on fait cette blague-là. Ça n'a jamais été fait, ça. Oh, l'ouf. Blague des plus originales. Ouf. Non, je pense pas. Non, moi non plus, je penserais pas. Mais voilà, c'est dit. Je penserais pas. Je pense que tout le monde l'avait fait, déjà. Au moins une fois. Ça, fait. Sûrement. C'est sûr. Hein, comment, Justine? Ah, j'ai roulé mes yeux avec ma tête. Ah, cool! C'est souvent avec ta tête qu'on roule nos yeux. Ben, pas ta tête, je ne roule pas mes yeux avec ta tête. Là. C'est drôle d'image. Je sens mes yeux dans ta tête. OK. Oh. Hey, on rit avec rien pantoute comme matériel, tu sais. C'est comme pas drôle du tout, genre que dalle, mais on rit pareil. Mais il me semble que c'est pas comme ça quand je suis pas là. Quand j'écoute la radio, c'est jamais aussi décousu. Est-ce que t'écoutes C'est fou, d'habitude? Oui, dans mon automobile, okay. Entre 7 et 9. Wow, merveilleux ça. 7 et 9? Ah, t'es pas... J'assemble les requis. OK, le matin. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ça, c'est la batterie? C'est ça. D'accord. On est rendu au position numéro 4 du côté anglophone. White Horse, oh yeah! Avec Devil's Got a Gun qui descend d'une place. Mais on va tout d'abord aller écouter Peter avec Carousel. Carousel qui fait une hausse de 4. Je n'ai pas préparé ce bloc-là du tout parce qu'on devait finir l'heure, là. Peter. Je me rends compte de ça. Non, on est au numéro 4 ou au numéro 5? Je sais plus, là. On est au numéro 5. Est-ce qu'on ferme l'heure et on reset? On appuie sur le bouton reset. Il y a un bouton sur la console qui sert à rien. Je sais que si on pèse là-dessus, là. Attends un peu, je vais me préparer avant de faire cette blague-là. Attends un peu. Faut que je prépare la blague, là. Faut que je prépare le terrain de la blague. Si je pèse sur ce bouton-là, là, ça va faire ça. Ça reset. Oui. On part en pause. On revient. Et un nouveau palmarès apparaîtra comme par magie. Et voilà. Restez là. Il y a Justine Renaud qui va être avec demain. Oui, arrête de me pointer du doigt, toi. Bon, je pèse du bouton. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Elle disparaît pas. Justine est encore là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bonjour, on parle de Racifou pour la semaine du 19 au 25 novembre 2012. Elle, c'est Alexandra Carignan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout le reste de l'émission, technique, ordre des chansons, qu'est-ce qu'on fait jouer, ça, c'est faux. À date, parce que je fais n'importe quoi aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas nouveau. On le répète à chaque fois comme si c'était un running gag, une genre de blague à la course, là, ça. Genre, je fais comme... C'est ça que ça résume Mathieu Plante. Ça résume bien ma vie au grand complet. Donc, on est rendu aux quatrième position. On l'a dit tantôt, on a reseté le palmarès pour essayer de ne plus faire d'erreur du tout. Et tout en fait, dans on a sauté par-dessus les positions numéro 5? On a sauté par-dessus... en fait, c'est ça. Je n'étais plus sûr, en fait, de qu'est-ce qu'on avait fait. On n'a pas joué les numéros 5, ça, je peux te le dire. Ça, t'es sûr qu'on n'a pas joué du tout les numéros 5? Je okay. suis certaine. Bon, ben dans ce cas-là, on pourrait les mettre. Bon, ben dans ce cas-là, dans les numéros 5, en fait, au palmarès anglophone, on a Smoke and Jackal avec Fall Around, qui lui fait une montée de 4, puisqu'il était au numéro 9. Mais on va aller écouter tout d'abord le groupe québécois Noem avec Beltan, qui lui aussi est au numéro 5. Une belle remontée, puisqu'il était au numéro 13 la semaine dernière. Alors, je suis pas bonne en calcul mental, mais ça fait 8. Oh, wow! Il a monté de 8, Noem avec Beltan. T'es donc bien une bonne animatrice, toi, finalement. Je sais. Je te lègue mon poste. Bye, adieu! Est-ce que le salaire vient avec? Y a-t-il un salaire pour ça? Cercle de pierre, tout près du bosque des sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande. Dans ta clairière de Poséidon. Dans la forêt où le fond nous brame, tout près du lac de la Dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Laisse-moi aimer à la belle dame tous tes effluves qui émanent. Je t'écrirai une légende dans ta clairière de Poséidon. Viens réchauffer tes allumées, viens se raser de l'homme étoilé. Des incantations de Talisiel breton. Reviens avec moi, Marouika. Faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en sabbat et le vivant comme des sylvains. Thank you. ravalons sous les rochers voilés de brumes éternelles. Je veux toucher ton corps de fée dans un étrange rituel. Dans une rêverie occitane, je veux redire ton nom Morgane. Laisse-moi te prendre à la belle dame, comme un païen qui te profane. Pour toi livrer tes offrandes dans la clairière de Procellion. Numéro 5. Take it all inside. C'était Grizzly Bear et Yet Again. Position numéro 6, anglo. Là, je suis tout mêlé, sérieusement. Là, je suis tout mêlé. Comment ça fait que c'est la 6e position? On entend ça à 5e. Mais non, c'est pas les Grizzlies. C'est-tu les Grizzlies? Ben oui, c'est Grizzly. C'est n'importe quoi, mon affaire, pour vrai, non? On arrête. Ah, c'était super bon, la chanson. Je sais bien. C'est quoi et ça? En fait, juste avant ça, on écoutait Noël avec Mais Noël avec leur chanson Beltane, ça aussi, oui, c'était très bon. On l'a entendu. Moi, pour de vrai, c'était le numéro 5 en francophone. Ils ont monté de 8 places. Je pense que mon bouton reset ne marche plus. Ça, tantôt, je pensais que j'allais resetter l'émission. Ça ne marche pas pour tout ça. C'est pas grave. Pas. Oh, on va le retourner au fabricant. Zen. Justine. Moi, je suis là. T'es moi, je suis prête et je suis mieux ferrée que vous autres aujourd'hui. Je pense. Sans prétention. En tout cas, on va voir. On n'a pas encore commencé ta chronique. Attends mon intro, là. Oui, oui. Joue de la batterie en même temps, monsieur. Au clavier. Au bass, ça fait tout en même temps. Cymbale. Justine Renaud! Hey, je suis dans le mood, là. Hey, c'est le jam, c'est le party mode. Non, mais vous entendez tous les instruments, c'est moi qui joue, là. Watch out, la guitare électrique. On est parti pour la faire jouer au complet. Hey, mais là, on l'a passé. Puis une fois qu'il est passé, je peux seulement vous dire que c'est vraiment l'intro que Mathieu Plante m'a choisi. Et oui. Vraiment génial et multi-instrumenté. Ouais. Multi-instrumenté. Mais sérieux, je te jure, je l'aime. Je l'aime mon intro. Elle me rend juste perplexe. Ça a juste l'air sarcastique quand tu dis que tu l'aimes pour non, vrai. Je te jure, c'est pas sarcastique. Il faut que t'arrêtes de penser. Sérieux, Mathieu fait une fixation avec mon intro qu'il a choisi parce que moi, j'ai pas le temps d'avis de choisir ça, ces affaires-là. Ça fait sûrement 2 ans que tu me dis j'aime pas mon intro, je vais t'amener une autre chanson, tu l'amènes jamais. Ça. Non, mais j'en ai pas d'autres chansons. Il n'y a pas mieux que ça. Écoute, je suis pas capable de trouver mieux. Fait que franchement, la barre est haute. Buena. Je fais pas faire toutes des annonces pour des barres de chocolat, là, mais bon. Il y a une barre de chocolat qui dit la barre est haute. Oui, je te jure. Ah ouais. Mais oui, la barre est haute! Là, on voit une main. Là. Ouais, la barre est vraiment haute pour de vrai dans le ciel. Ah, c'est le fun, ça. La fille, on dirait qu'elle a comme un orgasme en le disant. Là. Mais revenons à nos moutons. Mais revenons. Des moutons et des orgasmes avec une barre de chocolat. Drôle d'image dans la tête. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de moutons ni de barre de chocolat. Je suis ici pour vous parler de James Blake, un de mes coups de cœur depuis la dernière année. Ça fait à peu près un an là, qu'il sème ses graines musicales dans ma tête. T'es vraiment con. Ouais. Et Sam, c'est petite mousse de pissenlit. Là. OK. Parce que ça m'a pris du temps, là, c'est vraiment. C'est la pollinisation de sa musique, c'est ça? Ça fait un an qu'il me pollinise, là. OK. Comment en pollinise? Arrête ça. Arrête de me regarder comme ça. Hein? James Blake. C'est qui, James Blake? Maintenant qu'on est dans mes tartines, là. C'est un compositeur de musique électronique londonien, né un 26 septembre 1988. Ça fait de lui... Un des 26 septembre 1988 de l'histoire. Là. Parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est ça. Mais ça fait de lui une balance. Mais ça, on s'en balance. Donc... Est-ce que c'était ça le jeu de mots que tu avais préparé? À ma vertige, j'ai un jeu de mots pour toi tantôt. Mais j'étais comme, mais si tu l'as préparé, il devient pas bon. Mais il est resté bon, celle-là. C'est comme si tu l'as mis dans un Tupperware. Ah oui, ben je l'ai gardé au frais. Là. Tu disais, où est-ce que je l'ai mis? Tupperware did I put it? C'est bien en anglais que j'ai fait. Là, celle-là était improvisée. Elle était vraiment. Tupperware did I put it? Comment? Tupperware did I put it? Hein? Bon, hein? James Blake, si on revient à nos moutons avec je nos barres de chocolat. Je l'ai dit que tu t'es tombé dans la pire émission des palmarès de l'histoire jusqu'à maintenant. Fait que c'est de même. Accepte-le. Laisse-moi continuer mes tartines. Vas-y. Laisse-moi continuer. Beurre épais. Non, je vais beurrer épais. Mais James Blake, tout jeune, il fréquentait le Latimer School, qui est une école de musique pour les jeunes prodiges. Pour les petites mères? Non, hein? Mais pour être admis, il faut passer une panoplie de tests d'aptitude en musique. Puis lui, il les a passés, il faut croire. Fait que il a été à cette école-là. Et plus tard, il a fréquenté le collège Goldsmiths, qui possède un excellent département de musique. Plus tard, ferré en musique comme ça se peut pas. Il a sorti en septembre 2009, lors de sa dernière année scolaire à Goldsmiths en études de musique populaire, un enregistrement de son premier single, Air and Lack Thereof, qui a été diffusé dans le Royaume-Uni en entier. Ça a été extrêmement bien reçu par la critique. Alors, plus tard, il continue d'enregistrer de la musique dedans sa chambre d'étudiant. Vraiment, on l'imagine avec avec des sandwichs à la Bologne en train d'enregistrer sa musique électronique. Là, ça devait être ça, là, en chest. En jogging, en train de manger une sandwich pas bonne, en train de composer sa musique. Là. Ben, c'est ça, en gros, les étudiants, on est tous pauvres, fait qu'on fait tout dedans notre chambre. Là. Non? Oui. Il y avait juste un studio, lui, je suis sûr. Il fallait qu'il souffle, là, c'est un artiste. Prenez pas ça pour acquis, tout le monde, si jamais c'est pas la vérité. On ne sait pas, peut-être qu'il était super riche dans le fond. C'est ça. Hein? Donc en 2010, après son succès avec Air and Like Thereof, Blake a enregistré un autre single au titre de Limit to Your Love. Et pour certains, ça peut sonner une cloche, car cette chanson-là a été composée et interprétée à l'origine par Feist sur son album The Reminder. Et moi, j'adore Feist. Me and Feist have a thing. Ah, oh, ouais? Dans tes rêves, hein? Oui, puis dans mes rêves, je ne l'appelle pas Feist non plus. Non, tu l'appelles Feist. On l'a souvent appelé Feist ici. On peut l'appeler Feist, on peut l'appeler Feist. Ce serait juste pas correct. Non, c'est correct, ça me dérange pas, mais moi, je l'appelle Feist. Mais elle est un festin pour les oreilles, donc. Un festin pour les... She's a feast for the... C'est ça? Oui. Bon, hein? Donc, la reprise de Limit Your Love que Blake nous a offerte a été très, très bien reçue par la critique et par moi-même, qui est une critique de musique super populaire à Trois-Rivières. T'as mis ton étampe là-dessus. Là. J'ai mis mon étampe. Approved. Justine approved. The Tartine says this is the best song. The Tartine. Je parle en anglais. C'est bon, hein? Je suis désolée. La moitié des gens là, qui nous écoutent en ce moment ne comprennent pas tout. L'autre moitié comprennent, mais ils trouvent ça poche pareil. Hein? En janvier 2011, c'est-à-dire un an plus tard, Blake s'est mérité la deuxième place dans le concours Sound of 2011, organisé par le BBC. Maintenant, c'est quoi Sound of 2011? En gros, c'est des concours organisés annuellement où on fait voter des critiques de musique et des figures importantes dans l'industrie afin de déterminer qui est le prodige musical le plus prometteur pour l'année. Maintenant, j'ai été voir un peu c'est quoi ce concours-là, ce vote-là, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant de voir qu'un artiste aussi un artiste aussi excellent, mais aussi underground que James Blake ait pu comme passer au travers de toutes ces étapes-là. Et j'ai été voir les autres artistes qui ont gagné les années précédentes. Et si on voit en 2003, troisième place, Yaz. Il y a eu sixième place, Interpol, quand même, là, des vraiment bons bands. En 2004, deuxième place à Franz Ferdinand. On a vu en 2005, Kaiser Chiefs, Katie Tunstall. En 2006, il y a peu grand monde que je connais là-dedans. Corinne Bailey-Ray. Ouais. Connais-tu ça? Ben, j'ai entendu le nom, mais non, je pourrais pas te dire. 2007, Mika. 2008, Adele. Puis c'est ça, en 2011, Jessie J a gagné première place, mais en deuxième place, James Blake. Fait que c'est vraiment un excellent palmarès pour savoir c'est qui va faire les grands palmarès musicaux. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Hein? Fait que si vous êtes intéressés, là, Sound of, trois petits points, là, c'est, ça va de 2004 à 2000 aujourd'hui. Là. 2012. Oui. 2000 aujourd'hui. Hein? Fait que James Blake a gagné deuxième place en 2011. Or, suite à ce concours-là, son album éponyme a été lancé et cet album-là, d'ailleurs, lui a valu une nomination au Mercury Music Prize 2011. Et plus récemment, maintenant, en août 2011, il a collaboré avec Bon Iver pour une chanson intitulée Fall Creek Boys Choir. Là, j'ai dit Bon Iver. Là. Ouais, c'est Bon Iver. C'est Bon Iver. Excusez-moi. Ça fait tellement fendant. Ça fait fendant de dire Bon Iver, mais c'est comme ça qu'il prononce. Bon Iver. Hein, on n'en a pas de Bon Iver ces temps-ci. On n'a même pas de neige. Hein? Hey, plains-toi pas, là. Hein? Je me plains pas. Au total, James Blake aura enregistré un album studio en 2011 et trois EP, dont The Bell Sketch, CMYK, Clave Your Work en 2010, ainsi que Enough Thunder en 2011. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vraiment sa chanson Unluck qui est apparue dans son album studio éponyme, donc James Blake. Et on va aller l'écouter immédiatement. Faites attention, là, je vous avertis tout de suite, c'est assez bizarroïde, c'est électronique, mais c'est assez délectable une fois qu'on l'écoute une couple de fois. Hein? Pourquoi pas? On va l'écouter juste une fois, par contre? On va l'écouter juste une fois. Aux tartines de Justine, James Blake avec sa magnifique chanson Unluck. Since God, I wanna free. when crosses call out, no one's free. Only child, take a care of what I like you. Playing, falling there. Treated both care for me. Crosses call out. There's a limit to your love. the limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow. Like a map with no. Like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. C'était Limit to Your Love de James Blake aux Tartines de Justine. N'est-ce pas une chanson assez suave, merci, avec plein de stops. Suave. Suave. Suave. C'est plein de stops, c'est plein de subtilités là, musicales. Plein de choses qui font peur au gars qui n'arrête pas de se dire qu'il fait des erreurs techniques aujourd'hui, fait qu'il capote encore plus à cause de toi. Mais bon. Oui, en parce que les silences font sont la phobie de Mathieu Plante à la radio. On s'entend-tu qu'un silence, c'est jamais souhaité. Mais bon, James Blake, avec cette chanson-là, il a fait un vidéo de musique, un clip, bref. Un clip, ouais, comme on appelle dans le domaine. Un clip. Un buzz clip, comme ils diraient à Musique Plus, des fois. Qui a été nominé en 2012 au MTV Video Music Awards de Japan. Donc, au Japon, ils ont vraiment beaucoup kiffé sur... Ils ont kiffé sur ce clip, mais moi, franchement, j'ai été l'écouter tout à l'heure, puis c'est pas si bon que ça. Ben là, je te dirais, en tout cas, que j'ai pas envie d'aller le voir. Hein, ce que tu me dis là. Hein? J'ai pas envie d'aller le voir. Japan. Japan. C'était vraiment pas bon. Je pensais que t'allais faire ton jeu de mots tantôt, comme la conversation hors ronde avait eu lieu comme ça. Non, moi, je sais pas le jour de la marmotte. Je ne recommence pas ce que j'ai déjà fait. C'est du copy-colle, la conversation. Non, comment? Laisse faire. Non. Je joue pas à mon jeu pantoute. Non. Mais je vous suggère sérieusement d'aller juger par vous-même si le clip vous plaît ou pas. Là, en gros, il y a une pomme qui tourne puis ça fait... Il y a des affaires qui se collent après. Sérieusement, hey! C'est ça. Wow, hein? Mais sérieux, je sais pas pourquoi... ça a été nominé, cette chose-là. Là. J'ai bien hâte de voir cette les résultats. Cette chose-là. Non, mais sérieux, là, toutes les... je dis beaucoup sérieux. Je suis très sérieux. Sérieux. Ça, solennellement, c'est correct. C'est correct, mais sans plus. Là. OK. C'est jamais aussi c'est, bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Mais James Blake, je l'adore. Sérieusement. Ouais. Vraiment. Un autre mot que sérieusement, un autre adverbement, allez écouter sa musique en fond pendant que vous étudiez, pendant que vous faites de la lecture, dans votre bain, n'importe quoi, parce que c'est vraiment la musique que vous allez apprendre à aimer avec le temps. C'est comme un vin qui vieillit bien. Oh. C'est beau, hein, comme image. Je vous suggère. Ouais. C'est bizarre, mais je vous le suggère. Cool! Un petit peu bizarre. Merci, Justine. Ben, ça me fait plaisir. Hein? Dans deux semaines, dans deux semaines, je vous promets que tout le monde, on va être plus en forme. Hey, en tout cas, je vais le promettre à la fin, je vais mettre ma main sur, pas la Bible, là, sur quoi je pourrais la mettre à ma main? Ben là, qu'est-ce qui est proche de la Bible? Un CD de Pink Floyd, n'importe quoi. Sur ton Mac. J'ai pas ça, sur mon Mac. Ah, oh, que c'est beau. Oui, sur mon Mac, à la fin de l'émission, je vais essayer de jurer que la prochaine émission va être bonne. Elle va être bonne. Big Mac. Sur un Big Mac. Deux boulettes. C'est de la boulette. Bon. Donc, merci Justine. Dans deux semaines, c'est le 6 décembre, OK? Le 6 décembre 2012. Qu'est-ce que je fais cette journée-là? Ah, je suis à la radio. Le jeudi. C'est écrit dans mon téléphone. C'est ça. Faut pas que je perde mon téléphone. Non. Ouais. 6 décembre? Oui. T'oublies pas? Non, j'oublie pas, puis je vais vous revenir avec autre chose. Ça fait une couple de fois que je vous donne du R&B, du hip-hop, ces affaires-là. C'est une ribster, comme tu dis. C'est trop R&B. Oui, ripster. Parce que ceux qui sont des hipsters de R&B, c'est des ripsters. Puis ceux qui sont des hipsters de pop, comme Alexandra, c'est des popsters. Popster au pop. Oui, puis ceux qui sont comme des fans de Mon, c'est des monsters. Non. De Mon. C'est qui Mon? Olivia Mon, l'actrice, hein? Ah, peut-être. Non. Aucune idée. Bon, ben, ça va faire. Merci, ça va faire. Sérieux, ça va faire. Après ça, là, après la prochaine pause, moi, je m'en vais. OK, good. Je vous laisse ma démission. OK, alors on va justement, tiens, on va prendre une pause tout de suite, tiens, puis on va revenir avec le top 4, ça vous va? Ça me va. Le plus tôt que je démissionne, le mieux, c'est ça. Ouais. Émission, démission, il y a un lien là-dedans. Des apostrophes émission. Voilà. Sage. À tantôt. Bye. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la musique d'éolienne comme tantôt dans James. D'éolienne. Rien de moins. Des Pinky, ressors-moi pas quelque chose. Blague. Ressors-moi pas tes blagues. Plate. Mettons, quelqu'un pourrait dire ça à Mathieu Plante. Mathieu Plante, ressors pas tes blagues plates. Ouch. Ouch, on est rendu aux quatrième position du côté anglophone. Ce sera White Horse avec Devil's Got a Gun qui descend d'une place. Mais du côté francophone, on va l'écouter premièrement Peter Peter avec le Carousel. Boing, boing, boing, boing. Que cette chanson-là est un succès. C'est un succès unanime. Oui, on l'entend beaucoup, mais elle est très bonne aussi. Oui, tout le monde l'adore. C'était du côté anglophone, White Horse et Devil's Got a Gun, qui descend d'une place en quatrième anglo. Et juste avant, on a entendu Peter avec Carousel au numéro 4, qui lui fait une montée de 4. Mm-hmm. Là, vous allez nous trouver plate parce qu'on dit rien, mais on n'a vraiment pas de temps à perdre. On y va avec les troisièmes places du côté anglo, Bad for Lashes et l'ancien numéro 1, All Your Gold. Et du côté franco, on va aller écouter Trio avec Ladi Lafay au numéro 3. C'est pas vrai, c'est fou. Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine, la fée qui dit oui à la vie. Elle promène dans La Rochelle le fantôme de sa maladie qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de La Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle, des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle, du lierre est monté sur ta tombe, et toi tu joues les immortels. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée, la fée se parle. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses toits. De Lille à Paris, La Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces sorties sur le bord, crin de folie, crin de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de La Rochelle. Ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Non, la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée, la vie, la fée, la fée, la fée se parle. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, la... cette chanson, elle est pour toi, pour ceux qui regardent le ciel, bravant la douleur et le froid, le compte à rebours éternel, à ceux qui s'accrochent à la vie et qui la trouvent tellement belle. Quand elle vous sourit, vous défie, quand elle vous fait battre de l'aile. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, se parle. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, fait jouer la vie entre ses doigts. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La di la fée, la fée se parle. La di la di la di la fée, fait jouer la vie entre ses doigts. La di la di la di la fée, lady la. La di la di la di la fée. La di la di la di la fée, la fée se parle. La di la di la fée, fait jouer la vie. Numéro 3. Bad for Lashes, lancé numéro 1, All Your Gold en troisième anglophone. Et juste avant l'entendu trio avec Lady Lafay au numéro 3 qui a fait une belle remontée de 17 positions tout de même. Colin, bravo. Numéro 2 anglophone, c'est Metric avec Breathing Underwater qui monte de 5. Mais on va aller écouter tout d'abord Gros Mené avec Venus au numéro 2 francophone. Bye Alex. Bye bye. Ça s'en va, moi je reste fin. Well, Magic et Breathing Underwater, ça monte de 5 places en deuxième position anglophone. Avant ça, c'était Gros Méné avec Vénus qui monte d'une place en franco sur l'album Magnus D.I. On va citer avec les numéros 1, pas de temps pour les jeux de mots, malheureusement. Quand même, j'aimerais bien ça pouvoir exercer mon droit de citoyen et d'animateur en me choisissant, mettons, quelques jeux de mots que je pourrais ensuite accorder à une certaine situation 3 fois ou 2. Mettons, plus 2. Rien ne m'empêchera de peut-être les faire la semaine prochaine si les numéros 1 sont toujours à cette situation-là, s'il fait encore clair pour eux, malgré la noirceur de l'heure à laquelle cette émission est diffusée, si vous écoutez le jeudi ou le vendredi. Fait que là, tu sais, j'ai comme inséré mes jeux de mots. C'est du fun, hein? Donc, on va se quitter avec The Darkness et Nothing's Gonna Stop Us. Du côté anglophone, ça monte de 10 et avant ça, ce sera les 3 accords avec Exercice qui est stable en première. Donc, vous aurez compris tous les jeux de mots. Pas besoin de vous les expliquer, vous êtes pas des caves, hein? On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h pour une autre édition des Palmarès, c'est fou. Je remercie Alexandra Carignan et Justine Renaud qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Après nous, à 18h, il n'y a pas de soirée au coin du feu. Par contre, à 19h, vous allez pouvoir rester à l'écoute pour 13e étage, émission d'électro-jazz et d'éclectique. La raison pour laquelle il n'y a pas de soirée au coin du feu, c'est que c'est Génie en herbe ce soir à la Chasse Galerie si vous écoutez le jeudi. Et on passe le vendredi entre 17h et 20h. Restez là pour Skypunka et les lundis entre 14 et 17. Le boudoir suivra à partir de 18h. On se quitte avec les deux numéros 1. Bonne fin de soirée, bonne journée. Ciao, bye! La semaine prochaine, on va faire, en tout cas, on va essayer un nouveau concept, faire une bonne émission sans trop d'erreurs. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement. Promener sans s'arrêter devant. Oh, oh, oh. J'envie tous les enfants de demain qui ne font pas d'exercice. Oh, oh, oh. Je rêve d'être une seule fois avec toi sans avoir mal au cuisses. Oh, oh, oh. Ne rien faire ensemble serait suffisant. stop us. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Let's get out of here. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us.